dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Mais t'en redemandes encore. Yo, moi c'est Biflo, hello amigo. J'fais que du lourd, pourtant j'fais moins de 50 kilos. Au lit toujours avec moi, j'm'en sers comme d'une amulette. J'fous le feu en concert, j'suis taillé comme une allumette. Laissez-moi croire que je pèse. Laissez-moi croire que j'suis rentré dans le game. Merde, la concurrence passe son temps à soulever des haltères. N'est facile de jouer les soldats quand il n'y a pas de guerre. Bang bang, je prends le mic et j'ai tiqué d'un coup, je les vois qui deviennent dingue. Pas de copines, pas de style, rien de moi que je porte les mêmes freins. J'vois que t'es un peu sceptique, même quand j'suis sorti de ma mère, elle a crié mais c'est qui. C'est qui, ouais c'est Biggie. Biggie balance un beat, qu'est-ce qui ma vie. Stop le régime, viens goûter mes tablettes. J'suis aussi bon avec les filles qu'un manchot fléchette. Non, Biggie dis pas ça. C'est sûrement la wheel ou le vide qui t'assaille. Tu mousses tellement la tête que t'as un torticolis. Panique pas, respire, c'est que Big Flo et Oli. Tellement timide que ma voisine se demande si je parle français. Très bien si, t'en as marre, je parle de moi et j'insiste. Oui, je suis du rap car j'ai pas les couilles d'aller voir un psy. Désolé si je persiste, y'a que la musique qui m'excite. Si ça marche pas au pire, j'ouvre un kebab au Mexique. Lève tes mains en l'air, rebondis comme un trampoline. Pour les asthmatiques, levez bien haut vos ventolines. C'est la crise, mais je rêve encore de vendre des disques. Je fais partie de ceux qui aimeront toujours prendre des risques. Enchanté, santé. Allô, Oli, t'es où, faut vraiment rentrer. J'ai pas trop confiance en moi, je traîne des pieds par terre. Depuis que ma petite cousine m'a battu au bras de fer. Mais putain, faut que je réalise que le temps passe vite. Et que dans la vie, la plupart des types prêtent de vivre ma vie. C'est la rime anime, donc faut que j'y arrive. Prends de fer, mais du son, de la technique et de la folie. Panique pas, respire, c'est que Big Flo et Oli. C'est qui c'est de là, c'est qui c'est de là, mais c'est qui c'est de là. Et tu te demandes encore. Qui c'est de là, c'est qui c'est de là, mais c'est qui c'est de là. Mais t'en redemandes encore. Qui c'est de là, c'est qui c'est de là. Mais qui c'est de là, et tu te demandes encore. Qui c'est de là, c'est qui c'est de là. Mais qui c'est de là, mais t'en redemandes encore. Je dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Je dis ça nous donner l'heure et l'endroit. Je dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Je dis ça nous donner l'heure et l'endroit. Je dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Je dis ça nous donner l'heure et l'endroit. Je dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Mais t'en redemandes encore. Toutes les villes, on ira du sud au nord. Et tu te demandes encore. Viens avec nous, viens voir ce qui se passe dehors. Et tu te demandes encore. Je sais pas si tu captes, non. Le retour du rap, non. On t'a fait bouger la tête et du coup, et t'es presque mort. Mais t'en redemandes encore. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. Ah bon? Au fait, je t'ai déjà dit que j'avais la mémoire d'un poisson rouge. Je sais pas si tu capes, non. C'est le retour du rap, non. Mais t'en redemandes encore.